bâtard, je me rends compte, c'est un autre jour. J'oublie pas tous ces gens qui nous entourent dans ce monde. Sans oublier ceux qui pensent qu'en France c'est un palace. Ça pas le mal qu'on se donne pour survivre dans ce palace. Toujours les macros, là c'était ça sa main. Toujours la perdasse, tu poses carte blanche sur table. Dans les cases, une moitié de Carlo. Pendant que les nôtres passent sur arc, il faut les aller cachot. C'est chaud pour une jeunesse en détresse. Sans cesse, reste dans sa tristesse. Petit frère, encaisse. Sache, c'est juste un passage de faiblesse. Ça blesse comme une flèche en plein cœur. Ça reste comme un chouette de liqueur. Ça marque comme une balle à favie. Ma vie, ici, j'ai tiffé. Appartenir les murs de la caisse. Voilà le sol pour le jacquesse. Pendant que certains roulent en belle caisse. Encaisse la bonne pioche. Ça fout belle, mon frère, sous le porche. Voilà que la vie, certains d'entre nous mènent jour et nuit, mon frère. Une vie qui fait que la haine engendre la violence. Tant qu'il y aura la violence engendra la violence. Écoute, écoute, faut qu'on lâche des faces. Comme des balles qui fusent, nos phrases trempées dans la rage et la rue. Mais qu'est-ce que tu veux, ça reste vrai, c'est pour les vrais. Au mic on assume, on assume, et même si ça est frais. Écoute, écoute, faut qu'on lâche des faces. Comme des balles qui fusent, nos phrases trempées dans la rage et la rue. Mais qu'est-ce que tu veux, ça reste vrai, c'est pour les vrais. Au mic on assume, on assume, et même si ça est frais. Je te parle de jeunes qui ont grandi la rage dans les yeux. D'enfants de simples gosses que le système a rendu dangereux. Notre seule grandeur, des tours de 17 étages. Le quartier est un braqueur et nous a pris en otage. Notre âge et notre grand cousin, c'est ce qui nous fait avancer. 3 RL dans la cour des grands, ça je te l'avais annoncé. Renoncer à mon action, à ma version, pas question. Je lâche rien comme Ben Schmitt me pose des questions. Tu vois, y'a plus d'amitié, non y'a plus de gentillesse. De nos jours, combien de foyers baignent dans la tristesse. Détresse dans les yeux, jaloux qui te portent les yeux. On s'en remet à Dieu pour que demain enfin tout aille mieux. Dis-toi qu'ici on paye très cher les erreurs commises. Une fois blessé dans notre chair, c'est sur le vice qu'on mise. Classé par toute une nation, génération à risque. On emmerde les prénotions et on gravera ça sur disque. L'esprit rageur, les jeunes majeurs, lève le majeur. Compare mon groupe à un prolique dont on vide le chargeur. Ce que je veux, c'est que mes paroles touchent les frères en plein cœur. Qu'on quitte la merde, qu'on sorte des halls et qu'on finisse en vainqueur. Pas de bandit ni de vente, une revendique, un statut de star de rue. Gloire à mon rap de rue, mais qu'est-ce que tu veux. Chèque c'est tendu, mais devant Dieu, juré de représenter. Vanter mon groupe déchanté. Faut qu'on brille comme des gens de chromés, BBS. Que mon flow blesse, telle une balle de pompe qui perce. Je débite des rimes nocifs, on est dangereux ici. Tout comme quand les jeunes arabes et noirs fument la Sensi. Et même si mes récits affolent le monde, je revendique le vrai quand les vrais écoutent la rage monte. Sur qui je compte, 3 RL en 4 coups durs. Y'a autant de rage dans mon groupe que dans ce texte de 20 mesures. Maintenant mesure les dégâts qu'on cause au micro. Pire que ces casseurs de vitrines aux manifs des ados. Aucun cadeau, le monde où on vit c'est un merdier. Et on tente de faire sa place sans renier ses frères de quartier. Je veux pas devenir un loser. Une victime de plus qui tous les jours se lève à 12h. Mes faces touchent ton cœur pour mieux rester en mémoire. Et j'ai l'espoir de voir finir mes rimes dans la fiche du mois. Écoute, écoute, faut qu'on lâche de face. Comme des balles qui fusent, nos phrases frappent dans la rage la rue. Mais qu'est-ce que tu veux, ça reste frais, c'est pour les vrais. Au mec on assomme, on assume, même si ça est frais. Écoute, écoute, faut qu'on lâche des faces. Comme des balles qui fusent, nos phrases frappent dans la rage et la rue. Mais qu'est-ce que tu veux, ça reste vrai, c'est pour les vrais. Au mec on assomme, on assume, même si ça est frais. C'est le bordel dans le département. Les Schmitt qui font pas leur taf correctement. Retourne trop d'appartements. Enlève la vie de jeunes enfants innocents. Vend du produit stupéfiant. C'est stupéfiant, combien de juges nous ont mis je sais pas combien de stupes. Pour nous péter, nous voir parler comme des putes. Ils veulent entendre qu'on a buté. Pour mettre la main sur le butin, demain nous buter. Putain, ces types mériteraient d'être butés. Dégoûté du bien, on le devient. Envoûté par le mal, on rêve de se faire la malle. Mais c'est dans le cœur que ça va mal. Et nous sous la voûte, on n'a pas attendu la goutte qui fera déborder les vases. Pour faire péter les phases et faire péter des joies dosées avec la rage. Pour nous c'est maintenant que tout se joue. C'est maintenant et maintenant qu'on doit en voir craquer sur ce son de fou. Comme quand petit frère craque, quand le grand finit au trou. Ça marque comme une empreinte, comme un numéro d'écrou. Troisième relève, mon rêve, mon son. Touche le cœur de tous les miens et les mauvais garçons. Écoute, écoute, faut qu'on lâche des phases. Comme des balles qui fusent, nos phrases trempées dans la rage et la rue. Mais qu'est-ce que tu veux, ça reste vrai, c'est pour les vrais. Au mic on assomme, on assume, et même si ça est frais. Écoute, écoute, qu'on lâche des phases, comme des balles qui fusent, nos phrases trempées dans la rage et la rue. Mais qu'est-ce que tu veux, ça reste vrai, c'est pour les vrais. Au mic on assomme, on assume, et même si ça est vrai. Écoute, écoute, faut qu'on lâche des phases, comme des balles qui fusent, nos phrases trempées dans la rage et la rue. Mais qu'est-ce que tu veux, ça reste vrai, c'est pour les vrais. Au mic on assume, et même si ça est vrai. Écoute, écoute, faut qu'on lâche des phases, comme des balles qui fusent, nos phrases trempées dans la rage et la rue. Mais qu'est-ce que tu veux, ça reste vrai, c'est pour les vrais. Au mic on assume, et même si ça est vrai. Coup de pouce, ça fait le us. Ah ah, troisième relève, on sait que troisième on est fidèle. On se la fera belle, Inch'Allah. C'est ça, c'est ouais. Nino, L.I.M.